Le temps que le dernier s'installe, et juste avant, en guise de hors-d'œuvre, présenter à ceux qui n'ont pas encore entendu parler la revue Terrain Théorique que nous avons lancée il y a 3 semaines. Donc, voilà, où les premiers numéros sont en ligne sur Internet, et vous avez donc le volume 1, les usages sociaux de l'argent, volume 2, émotion, le volume 3 est en train de paraître, et il y a déjà un appel à contribution pour le volume 4 que vous trouverez donc sur le site de cette toute nouvelle revue Terrain Théorie. Il y a des petits flyers là pour ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'en ont pas encore entendu parler. Entièrement accessible en ligne. Donc, pour cette deuxième séance de la deuxième année du séminaire politique de Foucault, il me semble que la présence de Daniel Defer, s'impose dans ce laboratoire qui unit des sociologues, des philosophes, des anthropologues, du politique, pour une intervention qu'il a choisi d'appeler politique de l'intime en ce samedi 14 février. Saint-Valentin. Voilà. Donc Daniel Defer, alors je ne sais pas s'il y a des présentations à faire, parce qu'il est à la fois sociologue, il est à la fois philosophe, il est plutôt ni l'un ni l'autre. Je pense que vous avez entendu parler au moins, mais que vous avez, je sais que certains d'entre vous, puisqu'on en a parlé, ont lu l'ouvrage paru il y a presque un an, Une vie politique, où il raconte notamment autour de la création des différentes structures, notamment aide autour de la question sida après la mort de Michel Foucault, mais je sais pas ce qu'il y a à dire d'autre de plus de Daniel. Je te laisse la parole. Non, merci, j'espère. En arrivant tôt, discuter un peu avec toi pour savoir les attentes, puis on a parlé de toute autre chose, hein, complètement oublié de poser l'action. Didier, je n'ai même pas su comment cadrer votre séminaire, les attentes de votre groupe, et donc je suis un petit peu décontenancé. Alors, tu disais philosophe ou sociologue, tu sais que ma génération, qui était celle de ton père, la sociologie n'était pas autonomisée, la psychologie non plus, donc il fallait passer la grecque de philo si on voulait faire l'une ou l'autre de ces disciplines. C'est comme ça que je suis devenu philosophe. En fait, je voulais faire de la psycho, et plutôt de la pathologie. Et donc j'ai fait de la philo. Et puis, je ne suis pas sûr que je sois très philosophe, à part Kant, que je connaissais sur le bout du doigt. J'ai jamais compris un autre philosophe. Et je suis de la génération de 68, et je commençais la sociologie dans cette période-là, tout à fait par hasard. Je faisais l'épistémologie des sciences sociales. Et Raymond Aron me dit, j'ai un poste au CNRS, épistémologie des sciences sociales, c'est aussi bien de la philosophie que de la sociologie. Si vous voulez être sociologue, je dis oui, pour avoir un poste, qu'est-ce qu'on ferait pas? Et donc, je suis entré au CNRS comme sociologue, mais je ne connaissais rien à la sociologie. Et j'ai eu la chance d'avoir à faire une enquête de sociologie sans avoir vraiment appris. Vous savez, à ce moment-là, il y avait un certificat de morale et sociologie, et c'était ça la formation en sociologie. Et j'ai commencé une enquête en sociologie pour l'INSERM, en Bretagne, en mai 68. Et l'INSERM m'avait envoyé des lettres à toutes les personnes que je devais interroger en leur disant « vous allez recevoir un sociologue ». Donc les gens ont eu très peur, ils ne savaient pas très bien ce qu'était ce mot, et ils ne savaient pas si c'était un inspecteur de la santé, des assurances, tout ça. Donc vraiment, les gens m'ont dit très peu de choses, avec beaucoup de lapsus. D'ailleurs, je pensais faire entièrement mon truc sur les lapsus que les gens faisaient en répondant. Enfin, je sentais le rapport de pouvoir dans l'enquête sociologique. Mais je ne ramenais pas beaucoup de matériel. Ça n'avait pas d'importance parce que je faisais une enquête sur une épidémie de typhoïde et j'avais trouvé tout de suite que les WC publics se déversaient dans le parc à huîtres. Donc, il n'y avait pas beaucoup à interroger au-delà. Et donc, je rentre à Paris en stop parce que c'était la grève 68, tout était la Sorbonne et l'Odéon étaient occupés. Et j'arrive à Paris et une de mes copines me dit « Ah, tu sais, Jean Carpentier, dont certains connaissent sans doute le nom, Jean Carpentier vient de créer un comité d'action santé dans la Goutte d'Or, c'est formidable. » Et Jean Carpentier était un des jeunes médecins des années 60 qui était assez important, qui réfléchissait sur une nouvelle politique de la santé sans passer vers une socialisation à l'anglaise, qui était quand même l'alternative à l'époque. Donc il était quelqu'un d'influent dans le milieu médical à l'époque. Par exemple, Kouchner a été formé en partie par lui. Je vais donc à ce comité d'action santé à la Goutte d'Or et j'entends les gens vociférer contre le système de soins en France. Et à ce moment-là, j'ai véritablement rompu avec la sociologie. Je me suis dit que l'analyseur social, c'était les mouvements sociaux. Bien que je ne me sois jamais passionné pour Touraine, mais c'est vrai que je n'ai jamais eu grande confiance dans l'analyse du sociologue, et toute ma vie n'a donc pas été une vie de sociologue, mais de militant. Et je me suis toujours investi dans des mouvements sociaux comme analyseur des faits sociaux. Et c'est un peu comme ça qu'est né le GIP. Pas longtemps après, en 70, le groupe Information sur les prisons qu'on a créé avec Foucault. Et le groupe Information sur les prisons a été un peu mon modèle pour créer l'association de lutte contre le sida que j'ai créée en 84 après la mort de Foucault. Donc c'était un peu le même problème pour moi. Ça paraît bizarre de dire que c'était le même problème, mais ce qui empêchait une vraie réflexion sur la condition des gens en prison, c'était la forte stigmatisation qui entourait les détenus dits de droit commun. Et qu'on se mobilisait bien autour des détenus dits politiques, mais qu'un détenu de droit commun, il n'osait pas prendre la parole sur les conditions qui lui étaient imposées. Et donc, ce qu'on a créé avec Foucault, avec le groupe Information sur les prisons, c'était effectivement une prise de parole des détenus en général sur les conditions pénitentiaires, le déni de justice, le déni d'humanité, le déni de tout, qui continue. Et vous avez la chance d'avoir un regard sur la prison. Donc vous avez un terrain d'enquête à côté. Donc la question d'emblée pour moi a toujours été l'analyse sociale produite d'en bas, pour prendre des vocabulaires banals. Et c'est un peu par dérision que j'ai appelé ce livre « Une vie politique ». Parce que, justement, ces questions-là, que ce soit la situation réelle dans les prisons, que ce soit le début du sida, sont des questions qui ne sont pas prises en compte par les partis politiques, par les gens qui sont censés tenir un discours de représentation politique dans la société. Il y a une chose qui m'avait frappé, par exemple, AIDS s'est créé en même temps que SOS Racisme. Je me rappelle avoir vu la petite main jaune au tout début de AIDS où on discutait sur les mouvements contemporains. Et je n'ai rencontré, comment il s'appelle le garçon qui était le porte-parole des SOS racistes. Harlem Désir, voilà. Je commence, vous savez, c'est là où on commence à perdre la mémoire. Et donc je rencontre Harlem Désir uniquement Bon, j'ai rencontré au moment où il a répondu c'est des petites mains jaunes, mais je l'ai rencontré que le jour où il a été aux États-Unis comme délégué du Parti socialiste, où il savait qu'aux États-Unis le sida était un enjeu important pour un certain nombre de mouvements sociaux, il est venu nous voir pour qu'on lui explique le sida, puis il n'est jamais revenu. Et je veux dire, en dehors des gens qui sont nommés comme ministres de la Santé, personne dans la classe politique ne vient vous voir pour savoir ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on porte des choses, on les porte sur la scène politique, mais la scène politique elle-même est assez imperméable d'un certain nombre d'enjeux de sociétaux, et c'est un peu par dérision que j'ai appelé ça une vie politique, c'est-à-dire que pour moi c'était une vie politique sans rencontrer de politique. Je ne les ai rencontrés qu'avec le sida, et de manière quand même, faut quand même vous rendre compte qu'il y a 30 ans, la publicité sur les préservatifs était interdite. On parle beaucoup de la laïcité en France. Là aussi, c'était quand même un poids, non pas directement de l'Église, mais de la crainte d'une réaction de l'Église sur l'électorat. C'était beaucoup plus une crainte des politiques qu'un impact de l'Église elle-même, qui n'avait déjà plus nettement ce poids. Et donc, la publicité sur les préservatifs était interdite, et en 84-85, le gouvernement était socialiste, et il refuse de modifier la loi, parce qu'ils ont peur que ce soit électoralement un risque. Et ils nous disent très clairement, étant donné que le sida atteignait, et notamment pour les médias, principalement les homosexuels masculins, que prendre une décision préventive de cet ordre-là, ce serait, au fond, céder à un lobby homosexuel. C'était pratiquement dit par le conseiller du ministre de l'époque. Il a fallu quand même le retour d'un gouvernement de droite et Michel Barzac, qui est en 86, pour que finalement ça. Alors donc, vous voyez, on a rencontré la politique, les politiques, on en a rencontré peu, et on les a rencontrés comme étant des gens qui ne prenaient pas tellement d'initiatives, mais qui était quand même toujours sous la coupe d'une inquiétude de l'opinion. C'était d'ailleurs dans l'histoire de Haide, je ne sais pas bon ce que vous souhaiteriez que je développe plus tôt sur l'histoire de Haide, dans l'histoire de Haide, nous avons toujours insisté, nous, sur une pédagogie de la société, beaucoup plus que sur l'affrontement avec l'appareil d'État. C'est la différence avec ACT UP. ACT UP, qui, à mon avis, a repris beaucoup de tactiques du Parti communiste, s'est beaucoup centré sur le pouvoir d'État, en prenant, au fond, la question de l'homosexualité comme un groupe qui risquait d'être sacrifié par une politique d'État, comme une victimisation politique, alors que nous avions opté plutôt pour un travail pédagogique, tout un ensemble de secteurs de l'opinion, pensant que le politique est assez fragile et que ce qu'il faut travailler, c'est le transformer, faire émerger de nouveaux discours au sein de la société, quoi. Et donc ça a été tout l'enjeu de n'aborder le politique que par la périphérie et pas frontalement, ou surtout qu'on n'avons pas senti de vraie résistance des politiques, c'était plutôt la peur. Et les résistances n'étaient pas au niveau du gouvernement, elles étaient au niveau des députés, c'est-à-dire des gens les plus fragiles par rapport à l'opinion et aux élections. Donc on a toujours tendance, et c'était vraiment le propre d'ACT UP qui faisait des manifestations devant le ministère de la Santé, alors que ce n'était pas le ministère de la Santé qui était la résistance, c'était la Chambre des députés, et les maires et tous les élus. Donc finalement, si vous voulez, dans toute cette histoire-là, à la fois l'histoire du groupe Information sur les prisons qu'on a créé avec Foucault, et l'histoire de la lutte contre le sida avec la création de Haide, c'est l'histoire de cette périphérie du politique, mais qui entre dans la sphère politique. Et forcément, une épidémie, c'est un enjeu public, Il faut une politique publique. En plus, c'est une politique mondiale. Et cette politique, elle a eu à s'inventer complètement. Moi, un des premiers arguments que j'ai eu à développer, et je dois dire que j'en avais beaucoup discuté avec Deleuze. Je ne sais plus si j'en... Oui, non, j'ai donné toutes mes archives qui sont pas près d'ici maintenant à... Comment ça s'appelle? À côté de Saint-Denis, à Perfit. J'ai donné toutes mes archives. Il y a un test qu'on avait fait avec Deleuze sur le fait que, effectivement, le monde médical n'était pas le bon éducateur en matière de sida, parce qu'ils partageaient absolument tous les préjugés de la société. Et donc on ne pouvait pas s'appuyer sur les éducateurs sanitaires traditionnels pour créer une nouvelle idéologie de la santé. Et que donc les seuls qui étaient à même de dire les réquisites, c'étaient les malades et les gens les plus exposés. Alors en 84, ce n'était pas les malades, parce qu'à ce moment-là, la maladie était mortelle. Les gens étaient diagnostiqués à peu près 3 mois avant de mourir. Et quand ils étaient diagnostiqués, ils étaient déjà en très mauvais état, ils n'étaient pas mobilisables, ils étaient en général hospitalisés. Bon, par exemple, Foucault a fini ses cours au Collège de France fin avril, et le 1er juin, il était hospitalisé, le 25, il était décédé. Donc, vous voyez un peu ce qu'était la pathologie à l'époque. C'est-à-dire qu'on a diagnostiqué au stade terminal, on ne savait pas la reconnaître, on ne connaissait pas la séropositivité, puisque le test était en cours d'élaboration, mais il n'était pas encore standardisé, et il n'était pas absolument certifié. Il y avait encore beaucoup de faux positifs, et on ne savait pas interpréter ce qu'était la séropositivité en 84. On ne savait pas si c'était, pour certains, c'était une forme de résistance, pour d'autres, c'était la preuve de l'infection. Hein, et on parlait de malades sains. Il y avait une expression, je ne me rappelle plus. Porteurs sains. On parlait de porteurs sains. Donc, vous dire l'ambiguïté dans laquelle on était. Dans cette période-là, on avait donc peu d'instruments de savoir, donc le corps médical était dépossédé, et il n'avait pas non plus de propositions à faire, d'abord parce que la médecine française n'est pas profondément préventive. Vous savez que c'est aujourd'hui, avec tous les appareils qu'on va pouvoir nous coller sur le corps, on va être de plus en plus dans une médecine préventive, mais la médecine française était quand même essentiellement une médecine du soin garantie par la sécurité sociale. Mais il y avait très peu de politique de prévention. Elle était quand même morcelée entre la médecine du travail, la médecine scolaire, même la médecine des prisons échappait au ministère de la Santé. C'était vraiment les prisons elles-mêmes qui étaient responsables de la politique sanitaire dans les prisons. Donc il n'y avait véritablement pas une véritable politique préventive. Et en plus, la législation qui entourait les maladies transmissibles, qu'on confondait avec les maladies contagieuses, la législation sur les maladies transmissibles n'était pas révisée depuis le 19e siècle. C'était quand même une politique de quarantaine, de contrôle des seuils. Seuil de l'entrée sur le territoire, seuil de l'entrée au travail, seuil du mariage, donc il y avait comme ça un certain nombre de seuils de dépistage obligatoire, et aussi il y avait eu quand même une grande partie concernait une grande partie de ces politiques préventives concernait les maladies vénériennes, et les maladies vénériennes en France ont été soumises à un tel contrôle, je dirais pas policier, mais quand même nominatif, qui faisait que les gens avaient fui les dépistages, les dispensaires. C'est-à-dire que les dispensaires étaient tenus à des déclarations obligatoires de certaines maladies, comme la syphilis, par exemple. Et c'était nominatif. Moi, je me rappelle avoir travaillé à l'INSERM et avoir vu des déclarations nominatives de personnes atteintes de syphilis. Et j'ai su que des étrangers entrés en France et dépistés à leur entrée en France et découverts porteurs de la syphilis, on allait les rechercher sur leur lieu de travail. en dépit de toute discrétion et confidentialité, pour leur dire qu'il fallait qu'ils soient soumis à des soins. Bon. Donc, voilà un peu quel était le paysage extrêmement contraignant, dont il fallait sortir du cadre de contrôle des maladies transmissibles, et il fallait imposer une nouvelle conception de la prévention, du soin, mais surtout de la prévention, et du soin progressivement. Mais à l'époque, le soin, c'était pratiquement rien. Il n'y avait aucun traitement spécifique. Avant 93, on n'a aucun traitement. On a en 87 le début de la ZT, mais en 93, on a les premières trithérapies. Mais jusque-là, on n'a pas de traitement spécifique, donc on soigne les symptômes. Et donc, pour revenir au point d'origine, ce n'était pas les éducateurs sanitaires institutionnels qui pouvaient faire la stratégie d'approche. Et c'était donc les gens les plus concernés. Et comme à l'époque, ceux qui étaient les plus concernés étaient aussi les plus stigmatisés, c'était les homosexuels. Alors, peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous savez pourquoi cette maladie a été tellement associée à l'homosexualité. Là aussi, c'est une histoire politique. Je pense que si l'épidémie s'était répandue 50 ans plus tôt, elle n'aurait pas été associée aussi fortement à l'homosexualité, d'ailleurs masculine plus que féminine, donc c'est pas tant à l'homosexualité qu'à un type de pratique, parce que à l'époque, une grande partie des homosexuels, au fond, étaient fondus dans la société en général, ils étaient mariés, et on n'aurait pas forcément isolé un groupe social. C'est à partir des années 70 qu'il y a une visibilité politique de l'homosexualité, et cette visibilité politique, elle est particulièrement forte aux États-Unis, où notamment il y a des cliniques de maladies vénériennes qui sont créées et gérées par des organisations homosexuelles, et des médecins reconnus comme les médecins homosexuels qui ont une clientèle. Et il se trouve que ce sont deux médecins qui avaient une clientèle homosexuelle qui ont été à l'origine de la découverte de l'épidémie. Un à Los Angeles qui découvre que des patients à lui étaient atteints de ce qu'on appelle le sarcome de Kaposi, qui est une forme de cancer de la peau, qui avait disparu et qui avait apparu dans certaines populations d'Europe centrale, mais qui était très étonnant d'apparaître dans un cas d'immunodépression inhabituel. Et donc un médecin de Los Angeles demande à un centre fédéral américain, le CDC d'Atlanta, le centre de contrôle des maladies, c'est-à-dire le grand centre d'épidémiologie des États-Unis, il demande de la pentamidine, qui est un produit pour booster l'immunité, notamment après les transplantations d'organes. Pour éviter qu'il y ait un commerce d'organes, les États-Unis ont centralisé la distribution de la pentamidine. Et du coup, on ne peut pas, au fond, transplanter clandestinement comme dans d'autres pays. Donc, cette infirmière qui était chargée de la délivrance de ce produit est très surprise. Elle appelle le médecin, lui dit « Mais comment se fait-il que vous, médecin de ville, vous demandiez ça ?» Ben, lui, voilà, j'ai des malades. Et quelques temps après, elle a un appel de New York, un autre médecin, qui lui demande de la pentamidine également, mais pour un autre symptôme qui est une atteinte pulmonaire, une pneumocystose. Et donc, il n'y a pas de symptômes communs. Elle est très surprise qu'il y ait deux types de dépression immunitaire qui paraissent à peu près simultanément. Et elle relance les deux médecins en disant « Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre le commun entre ces... » Pour ça que c'était un syndrome, il n'y avait pas de symptômes communs. Il y avait un ensemble de symptômes. Et elle demande à ces médecins « Qu'est-ce qu'il y a de commun ?» Ben, elle me dit « Non, ce sont des malades homosexuels. » Et donc, d'emblée, le seul trait commun qui va réunir cette symptomatologie, ça va être le comportement. Et pendant à peu près 3 ou 4 ans, il n'y aura mis en évidence qu'un trait de comportement. Alors que les usagers de drogue sont aussi atteints à la même époque, mais beaucoup moins médicalisés et beaucoup plus clandestins. beaucoup moins médicalisé. Donc, c'est de l'épidémiologie rétrospective qui a découvert la mortalité, la morbidité des usagers de drogue new-yorkais notamment, qui est absolument visible dès la fin des années 78. De même en Afrique, hein, il semblerait que l'épidémie a commencé près de Lac Victoria. Les pêcheurs... alors ça, c'est une histoire assez épouvantable, que tout ce que l'on a fait pour le développement de l'Afrique a été un facteur de dissémination du virus. C'est-à-dire, vous faites des grands chantiers, vous construisez un grand barrage, vous avez 2-3 000 hommes. Si vous avez 2-3 000 hommes, vous avez 2-300 prostituées. Et tout ce qui a été grands travaux, les grandes routes, les grands axes de circulation et de développement ont été, enfin, tous les facteurs de développement ont été des facteurs de déplacement de population, de concentration de population masculine. Et un des endroits où l'épidémie semblerait avoir commencé, dans le lac Victoria, il y a une île où les gens allaient à la pêcher pendant un certain temps, un certain nombre d'hommes allaient pêcher pendant plusieurs semaines d'affilée, et ce serait là que les formes les plus anciennes ne seraient pas. Donc on a, mais c'était là aussi des gens peu médicalisés. Et en plus, le symptôme le plus qui apparaissait le premier en Afrique, c'était la tuberculose. Donc les gens atteints de tuberculose, on ne cherchait pas au-delà. On ne cherchait pas au-delà une autre cause à leur maladie ou leur mortalité. Donc, si vous voulez, l'épidémie a été pendant un certain nombre d'années indexée comme facteur causal à la seule homosexualité masculine. D'où la mobilisation contre l'épidémie, elle était forcément une mobilisation non seulement contre une maladie ou une absence de traitement, mais contre une stigmatisation. De toute façon, il n'y a pas d'épidémie sans stigmatisation. Il y a toujours un différentiel. Donc voilà un peu le contexte politique dans lequel s'est créée la mobilisation. Or moi, ce qui me frappe rétrospectivement, c'est en 30 ans, les conséquences très... Il y a beaucoup de conséquences de cette épidémie. Une des conséquences premières, c'est effectivement que ceux qui ont eu les premiers à prendre la parole ne sont pas des acteurs de santé, mais les gens qui étaient les plus vulnérables à l'épidémie, qu'on appelait à ce moment-là groupe à risque, avec une ambiguïté, parce que c'est un terme anglais, group at risk, ça veut dire groupe exposé. Mais en France, il était très clair que groupe à risque, c'était groupe exposant. Je me rappelle toujours Michel Barzac expliquant que les migrants étaient un groupe à risque. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Est-ce que c'était un groupe exposé ou exposant ? Dans l'idéologie dominante en France, on est à peu près sûr que c'est un groupe exposant. C'est quelques années après que Jonathan Mann a imposé la notion de groupe vulnérable, et non pas le groupe à risque, qui était ambigu. Et effectivement, j'ai mis à étudier les facteurs de vulnérabilité. Effectivement, comportement sexuel, l'usage de drogue, tout un ensemble de facteurs de vulnérabilité. Alors, vous voyez bien, parmi les facteurs de vulnérabilité, il y avait le non-accès aux préservatifs. Puisque en France, la législation l'interdisait. Il y avait un autre facteur de vulnérabilité qui était le non-accès aux seringues. Pensez qu'en France, au nom de respect de la liberté, on doit tout faire pour, et c'est toujours très, très fort dans l'idéologie dominante française, on empêche la prise de, on veut empêcher la prise de risque pour que les gens restent très maîtres de leur liberté. Donc on veut empêcher la prise de risque et donc on avait interdit la vente des seringues. Donc les gens qui avaient des seringues, les gardaient et les partageaient. Il y avait des petits endroits dans les quartiers où on soulevait une pierre et on trouvait une seringue. Bon, on le savait. Donc, un des facteurs de contamination, de dissémination du virus, c'était effectivement le partage des seringues. Et il a fallu quand même 3 ans de bataille pour obtenir la vente libre des seringues. Actuellement, vous savez que ça fait 20 ans qu'en Suisse, il y a des salles d'injection où les gens qui ne peuvent pas se priver d'une régularité d'injection peuvent le faire dans des conditions surveillées, que le produit ne risque pas de les tuer, qu'il n'y a pas d'infection supplémentaire. Enfin bon, il y a des salles d'injection. Alors il y a des gens qui sont très choqués de cela, que c'est organisé, mais effectivement il y a des salles d'injection. Ça fait 25 ans que ça existe à Genève et ça évite un certain nombre de... Bien, ça fait maintenant à peu près 10 ans qu'en France, des associations de quartier luttent contre l'ouverture d'une salle dans le 10e arrondissement. Et on a véritablement extrêmement de résistance, au fond, la conception, une pensée sécuritaire, beaucoup plus qu'une pensée sanitaire dans beaucoup de... Alors, ce que l'on a eu à faire, c'est effectivement faire entendre des revendications de gens exposés ou malades et d'exposer publiquement comment s'organisait le risque. Donc il y a eu comme ça toute une espèce de mise en évidence de la vie des gens qui demandaient changement de politique. Et alors ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est que, comme l'a dit très remarquablement un de vos collègues, Michael Pollack, c'est une épidémie, enfin je veux dire, la mobilisation contre cette épidémie a été découpée par le virus lui-même. Jusque-là, les gens qui se militaient pour modifier la législation sur la sexualité ou la visibilité de la sexualité, c'était des militants. Mais c'est des gens qui, pour des raisons d'insertion ou de non-insertion sociale, étaient en mesure de militer. Mais c'était une petite fraction, en général, urbaine et plutôt très scolarisée, qui militait. Alors qu'avec cette épidémie, on a véritablement un champ de population mobilisée qui est tout à fait différent du champ des gens mobilisés par la militance. Et là, c'est véritablement l'épidémie elle-même qui découpe une population. Elle la découpe à la fois aux yeux du monde du travail, aux yeux du monde médical et aux yeux des familles. C'est-à-dire que les gens découvrent que la proximité de l'homosexualité, d'une part, est beaucoup plus grande qu'ils ne l'avaient imaginé, et que sa forme est également différente de celle qu'ils toléraient. Je veux dire que, depuis très longtemps, on a organisé la pratique sexuelle, oui, la pratique hétérosexuelle ou la pratique homosexuelle, avec des lieux spécifiques. Mais on ne pense que la dimension d'actes sexuels. Alors que là, les gens se sont trouvés confrontés à une nouvelle réalité. C'est-à-dire que dans leur entourage proche, des gens étaient malades. Les familles, en général, n'acceptaient pas, abandonnaient, se révoltaient. Et les gens qui restaient là étaient les gens qui partageaient le mode de vie. Les hôpitaux ont découvert que les gens avaient pas seulement des relations sexuelles, mais des relations affectives. Qu'ils étaient entourés jusqu'à la fin de leur mort, leur vie, par des amants ou des amis. Et il y a des gens qui jouaient de la guitare auprès de mourants à la demande, se mourant dans les hôpitaux, des choses qu'on n'en avait encore jamais faites, des groupes d'amis qui recueillaient les gens chez eux, qui les entouraient, et donc une nouvelle sociabilité qui émergeait. Et la dimension affective qui n'avait jamais été prise en compte, aussi bien autour de la toxicomanie qu'autour de la sexualité ou à l'égard des immigrés qui avaient beaucoup plus de difficultés à être visibles parce que le préjugé était encore plus fort dans leur propre milieu et vis-à-vis du milieu français. Moi je vois que, par exemple, nous n'avons jamais pu faire de groupe de malades d'Afrique noire visibles. Par contre, nous avions des groupes notamment dans la plupart de la périphérie de Paris, des groupes notamment de femmes qui apprenaient à travailler dans des emplois domestiques dans des familles françaises, et c'est dans ces groupes-là où les femmes apprenaient leur passage, le pliage du linge, tout un ensemble de choses, et c'est dans ces groupes-là qu'on a fait la prévention. Et comme ça, les gens ne disaient pas qu'elles allaient faire une heure de prévention, mais il n'était pas, parce que c'était indicible. Et donc il y a eu tout un travail autour de la prise de parole, la discibilité de la séropositivité, tout ça. Et c'est tous ces différents canaux que j'appelle un peu l'émergence de l'intime dans la sphère du discours public, dans la sphère des revendications politiques, et d'une certaine manière, je pense qu'on ne comprendrait rien à la légalisation du mariage pour tous qui s'est faite l'année dernière, si on ne comprenait pas c'est l'émergence de ces dimensions tout à fait nouvelles, qui ne sont pas du tout les dimensions des revendications des années 70. Les années 70 revendiquaient la libération sexuelle. Or, là, ce qui s'est passé dans les années 80, ce n'est plus du tout la revendication de la libération sexuelle, c'est la reconnaissance des droits de l'homme, des droits universels des gens à une vie affective, à la vie de couple qu'il voulait, des dimensions de la liberté, des dimensions de la vie intime et de la vie affective qui n'ont jamais été dites avec autant de pertinence et autant, je dirais, de nécessité pour les autres. Parce que l'ensemble de la société voyait bien que ça faisait partie des freins de l'épidémie. Donc ça, je crois que c'est un changement assez considérable que la classe politique a acté, mais je dirais sans la verbaliser. Parce que, bon, on a acté en termes de droit, d'accord, mais, mais ce qui s'est passé, je crois, comme mutation, je n'ai pas vu une mise en discours politique, je ne sais pas. Par contre, le discours sur l'intimité s'est beaucoup renforcé, je pense au livre de Philippe Julien, ou des tas d'ouvrages qui paraissent aujourd'hui, où la question de l'intimité a pris effectivement une importance considérable. Et alors, cette émergence de cette dimension de l'intimité, bien sûr, elle ne s'est pas faite comme cela, elle s'est faite supportée par des techniques. Des techniques de groupe, des techniques de groupe. Alors, les modèles, les plus anciens modèles, c'est les alcooliques anonymes. Et nous, à Aide, nous avons fait venir des militants américains qui ont été à l'origine de ces modèles, que ce soit la première association qui a été créée aux États-Unis, le Gay Men's Health Crisis, la crise de la santé des hommes gays, qui est créée en 82 à New York. Et puis ensuite, nous avons fait venir Shanti Project, qui est une association de San Francisco, qui nous ont beaucoup appris justement sur l'expression des émotions. C'est vrai que le langage politique, notamment en France, est un langage assez dur, où on est dans l'affrontement, où tous ceux qui ont été dans des organisations politiques savent que à la fois la camaraderie peut exister, mais avec une certaine violence dans l'affrontement. Alors que c'est vrai que nous avons développé des groupes où il y avait d'abord une attention à l'écoute de l'autre. Hein, les gens qui avaient à expliquer comment annoncer à ses partenaires qu'on est séropositif. Ben, il y a des gens qui l'avaient fait, il y en a des gens qui ne l'avaient pas fait, et finalement, à 8 ou 10, on peut en discuter. Comment on parlait d'une sexualité passive, comment parler de l'injection, comment parler du désir d'enfant chez une femme séropositive. Bon, maintenant le problème est réglé, mais à l'époque il n'était pas réglé. Progressivement, on a eu aussi à discuter des traitements. Comment éviter des traitements invasifs? comment éviter les contrôles douloureux, comment contrôler la douleur. Et progressivement, les groupes de parole ont été des apprentissages de la prise de parole avec les médecins, avec l'équipe soignante et progressivement avec les laboratoires pharmaceutiques. Parce que la longueur des essais thérapeutiques est en moyenne de 10 ans, a été écourtée maintenant à peu près 5 ans. Au bout de 5 ans, on peut établir un médicament. Alors naturellement, le contrôle du prix, c'est une autre chose. Mais aussi, les associations de malades ont commencé à peser non seulement sur la forme des essais cliniques, mais également sur le prix des médicaments qu'on proposait. Et l'extension des génériques a été absolument liée à cette histoire-là. Donc, véritablement, il y a plusieurs effets dans l'histoire de la lutte contre le sida. Le premier effet, je disais, c'est l'émergence du discours des malades, qui est maintenant entendu dans beaucoup de pathologies chroniques. Il y a une organisation qui regroupe plusieurs associations de différentes pathologies, le CI2S, le groupe d'intervention, je ne sais plus, CI2S, qui regroupe plusieurs pathologies chroniques. Il y a donc l'émergence de la parole des malades, il y a l'émergence de l'intime dans la dimension des droits, il y a la politique du médicament qui a changé. Et donc tout un ensemble de modifications périphériques qui sont rarement passées dans le discours programmatique des partis politiques. Donc c'est ça un peu qui me donnait envie de discuter avec vous sur l'anthropologie du politique, à quel niveau d'émergence vous prenez le politique. Donc voilà, à partir de quoi j'aimerais qu'on discute. Quoi. Non. Ça va être une très bonne entrée en matière. Je ne sais pas qui a envie de poser la première question à Daniel Defer. Oui. Dans votre livre, à un certain moment, vous rassemblez en fait toute une série d'initiatives, de création de groupes, etc., autour de la notion de santé communautaire. Vous donnez beaucoup d'importance à cette affaire et je pense que c'est un point clé. Alors, finalement, cette politique de l'intime dont vous parlez, quel rapport a-t-elle avec cette dimension communautaire, avec le terme qui est peut-être un peu... qui est mal vu. C'est vrai, parce que finalement, cet intime dont vous parlez, il est très social, enfin, il est pris en charge par un collectif, ce qui est quand même une rupture par rapport à ce qu'on entend culturellement par l'intime, qui est précisément l'opposé de l'estimité, si je puis dire, de l'expression collective. Et là, je crois que c'est un point assez important de votre travail, de votre livre et de votre réflexion. Ouais. Alors, santé communautaire est un terme, effectivement, qui est souvent très mal reçu, et moi, j'ai un peu insisté dessus, en dépit des critiques, les gens entendent communautaire comme communautarisme. En fait, le terme vient du Canada, où santé communautaire veut dire santé publique. Et c'était un peu pour déplacer le contenu sémantique de santé publique que j'ai adopté ce concept canadien. Au Canada, santé communautaire, ça veut dire santé publique, mais le public géré par les francophones et le public géré par les anglophones. Puis il y a le public géré par les églises. Donc c'est déjà du public parcellaire, c'est du public qui a une base sociale qui n'est pas tout à fait abstraite. Et c'est pour ça que la santé publique, ils l'ont problématisé en santé communautaire, mais c'est santé publique, mais c'est pas absolument l'État. C'est pas l'État, voilà. C'est ça. Et avec des choses qui m'ont beaucoup frappé, vous savez, il y a des centres de santé communautaire dans les quartiers. Je suis allé dans un seul à Montréal où j'ai assisté à une réunion d'alcooliques anonymes. Et là, bon, par exemple, en France, les alcooliques anonymes ou les Welshers, tout ça, bon, il y a des règles, on apprend, tout ça. Là, les gens, c'était des alcooliques d'un quartier de Montréal qui se réunissaient, mais ils étaient contre l'abstinence absolue de l'alcool. Donc, ils voulaient établir une réduction d'usage, c'est-à-dire continuer à boire un peu sans devenir alcoolique. Et ils étaient, on ne leur donnait pas un modèle standard de l'abstinence, on les laissait travailler sur leur modèle d'abstinence. C'est quand même très très différent de ce qu'on peut penser en France. C'est quand même pas un pays fondamentalement démocratique, je dirais. Ça m'avait beaucoup frappé. Ça, c'est... Et alors, santé communautaire, on y est venu au fond. Très rapidement au sein de AIDE, il y avait cette expérience du Canada, et il se trouve qu'en France, où on l'ignore, et dans le monde, il y a des sourds-muets. Les sourds-muets sont éduqués dans des instituts unisexes. Si bien que, à la fois, le regroupement, le handicap, fait que, je pense que leur éducation à la sexualité se fait de manière un peu unisexe. Je ne dis pas qu'ils sont plus homosexuels que la moyenne de la population, mais je pense que justement l'institutionnalisation de leur formation, souvent dans des internats, tout ça, est un facteur. Et en plus, comme ils assurent une discrétion, ils sont pas mal utilisés dans des circuits, enfin... Je me rappelle, autrefois, il y avait près de l'opéra, il y avait un café où tous les samedis soirs, l'école de sourds-muets venait mettre sur la table « Je suis libre pour le week-end ». Ils venaient mettre un papier et, c'était leur seule distraction. Donc, beaucoup étaient atteints du sida. Et nous avons eu très tôt à nous occuper. Il se trouve que le compagnon d'Hervé Guibert animait justement le théâtre des sourds-muets de Vincennes, et nous avons été très tôt confrontés aux sourds-muets. Or, dans le monde médical, personne ne maîtrisait le langage des signes. Il n'y avait aucune consultation avec le langage des signes. Donc la première chose qu'on a imposée au nom de la santé communautaire, c'est une consultation hospitalière en langage des signes. Et si vous voulez, ça nous a permis d'imposer la notion de santé communautaire, disant voilà, une petite communauté pratiquement pas très reconnue, pour laquelle il y a des enjeux de santé qui ne sont pas pris en compte. Et très vite, alors par contre le Minitel marchait très bien à l'époque, donc je pose maintenant Internet, et on a pu réunir les sourds-muets pratiquement toute la France, et au sein de elle, on a même salariés sourds-muets, et depuis des années, donc on travaille. Donc ça a été la première démonstration de ce qu'on entendait par santé communautaire. Un groupe qui pouvait définir ses enjeux, ses réquisites. Et on a découvert en plus que leur représentation ne coïncidait pas du tout aux représentations de la majorité des gens. Quand on leur demandait dessiner un virus, on faisait un gros truc. Et véritablement, on se rendait compte de la grande difficulté de communication, malgré tout ce qui avait été mis en place par le langage des signes, l'écriture, la lecture et tout ça. Donc il y a eu de vrais changements d'approche. Donc c'était le premier. Alors, on a eu à apprendre également avec les malades étrangers. Donc là aussi, alors il y a des hôpitaux qui ont fait venir des interprètes pour comprendre. Alors des fois il y avait. Alors j'insiste sur cela parce qu'il y a une alternative à cela. Par exemple, à Necker, ils ont fait venir beaucoup de gens qui travaillaient avec, pas De Vreux, mais son successeur, Toby Nathan. Donc, ils ont fait venir des gens qui travaillaient avec Toby Nathan pour la consultation, notamment pour les enfants nés de mères africaines. Ils ont fait venir pas mal d'élèves de Toby Nathan. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu effectivement toute une période où, en ayant porté une grande attention aux malades et à leurs demandes, même au sein de l'OMS, on a développé, on a revalorisé des approches populaires traditionnelles, notamment, étant donné que les diarrhées faisaient absolument partie du tableau du sida, et des premiers médicaments aussi, des effets des premiers médicaments, on a rétabli des tas de... On a recouru, on a revalorisé des tas de techniques, de tisanes, de choses qui avaient cours en Afrique, enfin, pour que les gens reprennent un certain souci d'eux-mêmes et un certain sens du soin, qu'ils s'occupent d'eux-mêmes. Donc on a restauré ces vieilles pratiques. Je me rappelle Jonathan Mann, qui était le responsable de l'OMS dans les premières années du programme de l'OMS, disait finalement, on revient à la médecine populaire du XVIIIe siècle, où il y a des tas de manuels, d'associations qui fleurissent. Et à partir des années 96... on a à la fois trois événements. Les premières thérapies qui marchent. Les premières thérapies qui marchent, et fait aujourd'hui, l'espérance de vie d'une personne atteinte du virus du sida et l'espérance de vie de toute autre personne. Ça ne veut pas dire que sa vie est saine, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des médicaments qui ont des effets collatéraux très, très durs, cardiologiques, neurologiques et autres. Bon. Mais l'espérance de vie devient à peu près, globalement. Donc, à partir du moment où il y a eu des traitements, à partir du moment où il y a la chute du mur de Berlin, et la fin du communisme, on peut... C'est une histoire assez incroyable. Moi, j'étais à Brazzaville pour l'OMS le jour de la chute du mur. Et je me rappelle que les gens dans la rue disaient « ça va tout changer ici aussi ». Et ils avaient raison. C'est allé jusque-là, on ne pouvait pas communiquer avec des associations africaines. Il fallait communiquer par les États. C'est-à-dire que les associations africaines devaient demander à leur État de contacter notre État qui nous contactait, ou nous contactions notre État, mais notre État ne pouvait intervenir que si une association avait été reconnue par l'État africain en question. À partir de la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, nous avons pu communiquer d'association à association. Comme le disait un ami sénégalais, il disait maintenant il y a une ONG sous chaque baobab. Et nous avons communiqué d'association à association. Et ça a changé tout. Donc on a les traitements, on a une communication directe entre les associations et on a Internet. Et à partir du moment où on a Internet, les associations africaines qui se sont constituées sur le même modèle, nous on s'est inspiré du premier modèle anglais, allemand, américain, nous avons importé ce modèle ensuite, on est allé en Pologne, en Russie et dans beaucoup de pays africains, et tous ces pays ont pu, à travers Internet, savoir quels étaient les traitements efficaces, exigibles. Et la question des traitements et la question du coût des traitements était posée cette fois par les organisations de malades. Et aujourd'hui, il y a quand même des millions de malades traités dans le monde et traités avec des fonds internationaux, notamment Bill Gates, USAIDS, des fonds français, puisque la taxe sur les tickets d'avion sert au fonds mondial. Donc on a eu un changement considérable à partir des années 93-96 un changement considérable où, et je veux dire, moi j'ai animé une réunion à Hanoï un 1er décembre que le OMS avait été institué comme journée mondiale du sida. Et à Hanoï, c'était assez bouleversant. La toxicomanie est très importante au Vietnam, comme pour tous les autres pays du monde, en Chine. Bon. Et les toxicomanes sont en général arrêtés, mis dans des camps de rééducation. Les filles sont dépistées et informées de séropositivité. Enfin, c'était comme ça il y a 8 ans. Hein, informées de séropositivité. Et discriminées, c'est-à-dire dortoir des séropositifs, dortoir des séronégatifs. Donc tout le monde le sait. Les garçons n'avaient peur de leur révolte. Donc on ne les dépistait pas pendant le camp. Enfin, si on les dépistait, on ne leur donnait pas le résultat. Mais quand ils quittaient, quand ils étaient rééduqués, c'est-à-dire abstinents d'usage, et ils rentraient chez eux, à ce moment-là, trois petits jeunes gens venaient annoncer au sein de leur famille leur séropositivité. Donc, vous devinez un peu le climat. Et dans ce 1er décembre, j'ai vu arriver des jeunes toxicomanes de tout le Vietnam, habillés pratiquement comme des soldats d'armée de libération. Et par Internet, ils savaient tous ce qu'ils étaient en droit d'exiger. Et qu'ils ont maintenant au Vietnam, mais qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et c'était assez extraordinaire de voir ces jeunes gens arriver comme des soldats, bon, habillés comme des soldats, sortant des camps, et qui savaient ce qu'ils pouvaient exiger. Alors ça, c'est une transformation, pour moi, que je trouve très très considérable. Véritablement, il s'est constitué une sorte d'international des gens... et une internationale de leurs revendications, de leurs représentations et de la maladie et du traitement. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, dans les années 80, l'OMS revalorisait un peu les technologies de soins traditionnels parce qu'on n'avait rien d'autre. Mais aujourd'hui, les gens revendiquent parfaitement les médicaments qui marchent en Occident. Et il y a eu donc une sorte d'universalisation de l'approche du soin, mais il y a eu aussi une universalisation de l'approche de l'homosexualité. Parce que les mêmes associations ont recueilli les revendications des homosexuels des différents pays. Et maintenant, vous avez dans tous les pays, et là je vais en Chine dans peu de temps, où on m'a demandé de parler aux homosexuels chinois. Je ne savais pas, j'ai demandé d'où on les sortait, de quel camp, j'espère le savoir. Bon. Et véritablement, c'est quelque chose de tout à fait étonnant cette émergence de la parole, mais là, c'était l'émergence de revendications absolument nouvelles avec un modèle un peu généralisé. Je pense que ça va redistribuer les affects dans les différents pays. Quoi. Je pense que moi qui ai vécu au Maghreb il y a 40 ans, et je pense que si on va au Maghreb aujourd'hui, entre les événements religieux et ces événements-là, il y a certainement une redistribution des affects, de l'affectivité et de l'intimité. J'avais une question sur l'intime, justement, parce que ce que je trouve très fascinant, et dans ta présentation et dans le livre, c'est le fait que, alors qu'on a tous lu les textes sur la biopolitique et on a tous vu comment se constituait cette extension des pouvoirs et cette prise des pouvoirs sur la vie, y compris des zones de la vie qui n'étaient pas traditionnellement considérées comme des enjeux du pouvoir, l'alimentation, la démographie, etc., etc. Là, on a une description inverse, c'est-à-dire on a une description de la manière dont les modes de vie, les pratiques, les affects demandent à être reconnus comme politiques. Et la question, c'est la question de la dissymétrie ou de la disproportion ou de l'incommensurabilité entre l'extension des pouvoirs sur la vie d'un côté et la manière dont la vie elle-même dans les pratiques et à partir de l'intime des gens demande à avoir une dignité politique. Et du coup je me demandais, parce qu'il s'agit dans le cas spécifique de ce que tu disais et dans le livre de Haise, Le fait que ça soit une association, le fait qu'il y ait une dimension de la transversalité inter-association, le fait qu'il y ait en permanence la question de la prise de parole, ça suffisait à assurer cette dissymétrie, on va dire ça comme ça. Et quel rapport vous aviez eu à la fois à la question de l'organisation interne à être, parce qu'il me semble que c'est une question importante, et la question du rapport au droit, parce que s'il y a bien une dimension, à la fois le droit est un enregistrement important et dans le cas du SIDA essentiel des avancées, et en même temps le droit est par définition ce qui enregistre, ce qui fixe des sujets, ce qui définit le périmètre, ce qui est objectif en réalité. Et comment est-ce que la prise de parole se confronte à l'enregistrement du droit positif ? Alors là, il y a plusieurs questions. La première, alors cette dissymétrie, oui, il y a dissymétrie. Je crois, Foucault dit toujours qu'on est, on n'est jamais hors pouvoir. Et je pense que d'une certaine manière, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens demandent une politique de santé selon les critères de la santé occidentale des pays riches. Et que d'une certaine manière, si on compare les luttes des différents pays, par exemple, la première association de lutte contre le sida se crée aux États-Unis, le Yemen Self-Crisis. Pourquoi elle se crée aux États-Unis ? Bon, d'abord parce que les homosexuels y ont acquis déjà une forte visibilité sociale et politique, et d'autre part, il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de sécurité sociale. Et comment est né soigner aux États-Unis ? Il y a le film que vous avez peut-être vu, certains, Dallas Buyer Club, qui est extraordinaire. On est soigné en entrant dans des essais thérapeutiques. Donc, on se propose comme un peu cobaye. Et on entre dans un essai que si on offre des garanties que l'essai réussisse. Si on est très malade, on n'est pas intéressant pour le laboratoire, parce que si on meurt trop vite, c'est pas bon pour le produit. Donc il faut quand même, donc il y a une sélection. Et si vous voulez, la première association se crée pour aider économiquement les malades, parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale, et l'entrée du champ associatif dans la lutte avec les laboratoires est liée totalement à cela. En France, c'est venu après, parce que nous voyons la sécurité sociale, et les premiers malades ont eu droit à l'ALD, c'est-à-dire pour les affections à longue durée, donc ils ont été pris à 100% tout de suite, et puis ensuite, quand on s'est rendu compte que la séropositivité, c'était quand même le début de la maladie, les séropositifs ont été pris à 100%. Donc on n'avait pas les mêmes motivations d'entrer dans les essais thérapeutiques que les malades américains ont eu. Donc vous voyez, déjà, les luttes ont été beaucoup plus violentes sur les laboratoires aux États-Unis qu'en France. D'abord, on n'a pas beaucoup de laboratoires qui produisent des médicaments en France, on n'en a même pratiquement plus. Donc on a déjà cela, que le modèle de lutte des associations s'est formé sur ce modèle américain et il s'universalise, parce que la sécurité sociale, elle existe pratiquement dans pas beaucoup de pays. Donc on a là un modèle, on entre dans un régime de pouvoir, je dirais de biopouvoir, au fond les gens revendiquent d'être pris en charge dans le modèle qui semble marcher. Alors ça c'est une chose. La deuxième chose, la question des droits, on peut raffiner, la question des droits. On a eu beaucoup de discussions, fallait-il faire une loi particulière ? Alors, il y a eu à abolir des interdictions. Mais par exemple, il n'y a pas un domaine de la société qui ne soit pas concerné par le problème du sida. Et au fond, il n'était pas nécessaire de faire de législation particulière. On en a beaucoup discuté. Là, le bouquin, il est fait de deux parties. Il y a mes camarades qui ont voulu qu'il y ait ce bouquin, mes camarades de Aide, et qui ont voulu un peu faire l'histoire de Aide. Et d'autre part, il y a des articles que j'ai eu à écrire aux différents différentes étapes de l'épidémie où je évoque un peu ces problèmes juridiques. Et on n'a pas eu à demander une loi particulière parce qu'il n'y avait pas une loi particulière, il n'y a pas de domaine juridique qui ne soit touché. Divorce. Est-ce que la séropositivité est un cas de divorce ? Garde des enfants. Peut-on dire, ah ben non, la mère ou le père n'aura pas la garde des enfants parce qu'il est séropositif. Il n'y a pas un domaine où on ne trouve... Donc finalement, on a décidé de ne pas proposer de législation, mais d'être présent dans tout le secteur du droit. Et plutôt, alors il y a eu des suppressions d'interdictions. Alors un exemple, le sida... Maladies sexuellement transmissibles. Il y avait toute une législation sur les maladies sexuellement transmissibles. Allait-on modifier la législation sur les maladies sexuellement transmissibles qui est devenue désuète, en fait? Mais on allait entrer dans des débats au Parlement dès qu'il est question de sexualité. Vous voyez la violence que l'on y met. Et on sait, du fait qu'il y avait d'autres modes de transmission que la sexualité, la transmission par enfant, par exemple, la transmission sanguine, il y avait d'autres modes de transmission, donc on a exclu de toucher au modèle de la sexualité. Par contre, dans le droit français, un mineur malade ne peut pas être soigné sans l'aval de ses parents. Est-ce qu'un mineur peut se faire un test de dépistage sans l'aval de ses parents? Problème. Il se trouve que la législation sur la pilule a permis que des filles mineures puissent aller au planning familial. Donc on s'est appuyé sur le modèle du planning familial pour que les mineurs... Donc on a eu sans cesse à discuter. Il y a un texte qui me plaît beaucoup, je l'ai rappelé là-dedans. Il y a eu un cas de divorce aux États-Unis tout à fait intéressant, je ne sais plus dans quel état, mais enfin c'est un des textes que je rapporte là-dedans. Il y avait un état américain qui interdisait les méthodes contraceptives. Et un homme marié a découvert que sa femme prenait des contraceptifs. Donc il a estimé que c'était inadmissible, que lui voulait des enfants, que sa femme ne pouvait pas lui interdire d'avoir des enfants. Et il a attaqué sa femme et demandé le divorce pour cette cause-là. Et la Cour fédérale a déclaré que c'était la vie privée, et que le droit d'un État ne pouvait pas interférer avec la vie privée des gens. Or, il y avait à peu près 18 États américains où la sodomie était interdite, illégale, je veux dire. Ils se sont appuyés sur la même conclusion de la Cour fédérale pour abolir cette interdiction de la sodomie. Donc, ça n'a pas été une lutte de l'homosexualité, ça a été absolument une victoire purement juridique. Et finalement, je veux dire, à partir d'une décision judiciaire qui avait été prise par la Cour fédérale. Et finalement, on a eu sans arrêt à jouer de toutes ces procédures, assez à l'américaine, hein, à jouer de toutes ces procédures pour ne pas avoir à faire une loi, mais à introduire dans toutes les dimensions du droit des éléments nouveaux ou des jurisprudences. Et alors, une des choses, par exemple, tout à fait intéressante, c'est au début de... quand on a découvert le risque transfusionnel. Au tout début de l'épidémie, hein, nous sommes intervenus en 85, très tôt pour le risque transfusionnel, il y a eu tout un débat. Les donneurs de sang devaient-ils être informés s'ils étaient séropositifs ou séronégatifs? Et il y a eu un débat. Et le Conseil de l'Ordre était très partagé, c'était Jean Bernard à ce moment-là qui le présidait. Il y a eu un débat, je lui avais demandé un rendez-vous. Il avait une lettre épouvantable. Monsieur, je n'ai pas le temps de vous recevoir et je pense qu'aucune personne du comité d'éthique n'aura le droit de vous recevoir. Donc c'était vraiment dire c'est de la merde. Bon. Ils ont débattu pour savoir. Et ils ont eu très peur, finalement, que s'ils ne prévenaient pas les gens, ils redonnent du sang et qu'il y ait des procès. Et donc, ils ont finalement donné l'obligation pour toute personne qui donnait son sang d'avoir un test, et donc de savoir qu'elle s'exposait à recevoir les résultats du test. Donc, le test, il a fallu penser le cadrage de sa remise. Et alors qu'autrefois, les dépistages étaient obligatoires et on ne s'occupait pas de la dimension psychologique de la personne. Hein, au nom de la protection de la société, vous étiez soumis à une obligation. Là, on prend dans le droit la dimension psychologique du sujet du droit. Et ça, donc cette question de l'intime, elle entre progressivement partout dans la réflexion sur le droit. Et on le voit comme ça par tout un ensemble de décisions, qu'il n'y a pas une loi nouvelle, mais il y a des dimensions psychologiques dans pratiquement toutes les décisions qui impliquent le droit. Et donc c'est quand même une modification de la représentation, de la conception du droit. Et on pourrait... Oui, Jacques. Moi, je trouve très intéressant cette question de politique latine, mais à vous écouter, je réfléchissais, et je pense que dans ce que vous avez présenté à propos du sida, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a tout d'abord la reconnaissance du profane comme ayant une parole qui a une légitimité, qui est un savoir, parce que toute la construction, autrement dit, du travail de l'expert, autrement dit, c'est de se séparer du profane. Le profane ne sait rien, et c'est moi qui vais gérer en quelque sorte son problème, qui vais gérer son corps, qui vais gérer ça, et le profane le subit, ou on parle vraiment dans la sphère profane. C'est-à-dire qu'il y a une séparation des deux sphères, hein, la sphère professionnelle et la sphère profane. Or, ce qu'on s'aperçoit avec ça, c'est que progressivement est rentré dans le monde, tout au moins médical, je ne sais pas si ça peut toucher tous les experts, que ce que dit le profane peut être un savoir. Et c'est cette reconnaissance-là. Moi, je vois, quand j'ai vu récemment un médecin, là, généraliste, qui me dit « Mais vous savez, moi, j'écoute beaucoup ce que me disent les patients, parce que dans l'incertitude dans laquelle se trouve le médecin, la parole du profane et son savoir est un indicateur pour gérer son incertitude. » Ça, c'est complètement nouveau. Et je suis d'accord avec vous, c'est venu avec les groupes de parole. Et d'ailleurs, on voit bien dans les groupes de parole, un savoir se constitue. Et alors, ceci étant, quand on observe ces groupes de parole à propos de l'intime, pour que la parole de l'intime puisse émerger, il faut, à mon avis, au moins deux conditions. Il faut un cadre. Elle ne peut pas émerger comme ça. Oui, bien sûr. Il faut un cadre. Et il faut une confiance. Et ce qu'on s'est aperçu, et ce que vous dites est très intéressant, je crois que Michael Pollack le montrait, c'est que c'est parti de groupes stigmatisés et qui se reconnaissaient ensemble dans un vécu, souffrance ou un vécu, et en même temps une identité. Une identité qui a pu, en quelque sorte, venir dans la parole. Et en quelque sorte, les gens ne parlaient sûrement pas que de leur, vous l'avez dit d'ailleurs, que de leur maladie, mais aussi de leur situation. Mais dans tous les cas, il me semble que vous avez présenté, ce sont des gens qui se regroupent sur une position. Par exemple, une question que je poserai comme ça en parenthèse, est-ce qu'il y avait des groupes de parole des toxicomanes? Oui. Il y avait des groupes de parole de toxicomanes aussi, parce que toxicomanes, c'est beaucoup plus difficile que les homosexuels. C'est pas dans le même registre social, hein, dans le même champ social. C'est beaucoup plus hétérogène, en quelque sorte. Et puis, chez les homosexuels, il y avait toute une pénétration, je dois dire, dans le monde de la culture, dans le monde de la parole, et aussi certains homosexuels seulement. Non, je veux dire, et en même temps, une éthique, autrement dit, de la communication, de la parole, etc. Non, mais je veux dire, c'est que ça touche des populations particulières, où je crois que c'est Paul a pu le dire aussi, où la question du rapport à la norme s'est posée. C'est-à-dire que l'exclusion, la norme, est revendiquée pour une reconnaissance. Et il y a en plus, autrement dit, la pathologie qui vient là. Et c'est là où, peu à peu, émerge un intime, mais qui est, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, qui est délimité. C'est-à-dire qu'il ne touche peut-être pas tous les secteurs, autrement dit. Et puis, il y a... alors là, on voit bien des paroles intimes, d'ailleurs, qui peuvent se faire dans tout à fait d'autres cas de groupe de paroles. La question, c'est comment l'intime rentre dans l'espace public. Alors moi, je me rappelle, à l'époque, Jean-Paul Aron a été un des premiers à avoir parlé à la télévision pour déclaré son sida, je crois, tant que je me souviens, c'était lointain, mais il me semble que j'avais vu ça et j'avais entendu. Peu à peu, les gens... Alors la question que je pose, c'est comment cette politique de l'intime peut émerger, si je dois dire, pour qu'il y ait politique aussi, il faut aussi un espace public, puisse émerger dans un espace public. Alors ça, je ne sais pas. Autant je peux le concevoir dans certains groupes, dans certains lieux, mais ça, l'intime a toujours fonctionné comme ça. Hein. Il se déplace, il s'élargit, il se bouge. Mais pour que ça devienne vraiment dans la sphère politique, alors je ne sais pas. Voilà, c'est un peu fou, excusez-moi, je pense en parlant, mais bon. À partir du moment où on reconnaît le mariage pour tous, donc le mariage homosexuel, je dirais, on a reconnu cette dimension nouvelle qui n'était pas prise en compte de l'homosexualité, si vous voulez, le fait que les gens vivaient en couple, pour la plupart, c'est un événement enfin, qui est quand même un peu récent. Moi-même, qui l'ai vécu à partir des années 60, je l'avais trouvé difficile. Et j'ai été frappé au sein de Aide de découvrir que la majorité des volontaires qui sont venus à Aide vivaient en couple. Et que maintenant, c'est devenu absolument la norme. Donc, je crois que ça n'a... La reconnaissance, c'était un peu comme je disais tout à l'heure, que le droit reconnaît une dimension psychologique du sujet de droit. Et que à partir du moment où on reconnaît le mariage pour tous, on a reconnu les affects. Et je me rappelle un homme politique de droite disant, il n'y a pas très longtemps, au moment où deux personnes s'aiment, je ne vois pas pourquoi elles ne se marieraient pas. Donc voilà, d'une certaine manière, la dimension de l'intime, alors que jusqu'à présent, on avait considéré, bon, il y avait des lieux pour que les gens s'enculent, c'était organisé, il y avait des saunas à peu près partout dans le monde, il y avait des backrooms derrière la plupart des bars, il y avait, tout était organisé, mais on fermait les yeux sur la dimension vécue hors de la sexualité. Hein, et ce qui a été vraiment le scandale, c'est à partir des premiers malades qui vivaient en couple, l'un était très souvent était propriétaire de l'appartement, l'autre non, et à sa mort, la famille le chassait, ou quand ils étaient colocataires, il n'y avait pas de reconnaissance du bail, tout ça, et on a vu des tas de situations scandaleuses, on était obligé de faire des procès, et là, on a été véritablement dans la gestion de problèmes qui n'avaient jamais été posé. Donc, sur des cas concrets, notamment les expulsions d'appartements. Et puis, dans les hôpitaux, les infirmières qui avaient l'âge des malades, hein, faut pas l'oublier, les infirmières, plus la maladie s'est chronicisée, plus les infirmières sont devenues en permanence des partenaires et recevoir les confidences des malades. Et c'est vrai qu'il y a eu une libération de la parole. Les groupes de parole, on s'est inspiré beaucoup de Rogers. Hein. Et pas de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, justement, déstabilisait trop. Notre expérience, c'était que la psychanalyse tendait à retrouver des choses dans l'enfance et tout ça. Ils pouvaient déstabiliser. Et les Américains m'avaient appris très tôt que, d'une certaine manière, on s'est construit beaucoup plus tôt qu'on ne le croit et qu'on ne le sait, sur l'approche de sa propre mort. Et que d'une certaine manière, à partir du moment où quelqu'un apprend qu'il est séropositif, c'est peut-être pas la peine de trop le refragiliser, et peut-être qu'il faut au contraire, et c'est la méthode rogersienne, voir comment on a fait face à des drames dans sa vie, à quoi on a déjà résisté, et comment on a déjà résisté, et apprendre à retrouver ses propres ressources, savoir comment on a résisté, reprendre sa propre histoire. Et la séropositivité, c'était quand même une atteinte profonde à son corps, à son espérance de vie, à l'estime de soi, enfin bon, c'était vraiment une mutilation considérable, et donc les gens ont appris à faire face à cela. Les Américains étaient très forts sur les coping strategies, les stratégies du faire face, et on a beaucoup travaillé sur ces notions-là qui étaient un peu nouvelles. Alors c'est vrai que les groupes de parole, c'était des groupes extrêmement délimités, rarement plus de 8 personnes. Les usagers les drogues n'y sont venus qu'à partir des produits de substitution. Avant, la substitution n'arrivait pas, mais avec le Subutex, on est arrivé à faire des groupes de parole et une association d'usagers de drogue qui est à Sud, qui est très efficace et qui s'occupe. Et moi, je les ai vus faire du travail, aller dans les squats, montrer comment on nettoie les seringues et tout ça. J'avoue qu'avec beaucoup de courage et et d'efficacité. Hein. Donc, on a eu des groupes qui se sont mis en place. Les usagers de drogue, contrairement à toutes les représentations qu'on a, ont été beaucoup plus réceptifs aux méthodes préventives que les gays. Ça a été quelque chose de toujours assez énigmatique. Alors c'est vrai que il y avait un tel interdit sur les seringues que lorsque Barzac a rendu l'achat des seringues possible en pharmacie, ils ont dit faut que ce soit grave pour qu'on nous offre les seringues. Et il y a eu un changement d'attitude, alors plutôt vers une dérive vers la polytoxicomanie, tout ça, vers d'autres usages de drogue. Mais en fait, il y a eu un changement. Alors que ça a été. Et ça reste beaucoup plus difficile avec les gays. Ouais. Mais bon, cet intime, c'est vrai que c'est des groupes limités, mais qui le construisaient sur des enjeux très précis. On ne pouvait parler que de ce qu'on ne pouvait pas parler ailleurs. Si tu peux en parler ailleurs, c'est pas ici. Bon. Hein, et donc pas plus de 6, 7, 8 personnes, et pendant quelques semaines, et où on dit qu'est-ce qui est indicible et comment je suis arrivé à le dire. Je l'ai dit à ma mère, je l'ai dit à mon père, je l'ai dit à mon partenaire, à ma femme, ça, je l'ai dit à mes enfants. C'était cette discussion, c'était effrayant. Vous savez, moi j'ai fait beaucoup d'écoute téléphonique au sein de Aide, la période, ce que les gens nous disaient comme drame intime, c'est peu imaginable, les angoisses que les gens avaient, et donc finalement, je ne dis pas qu'il y a eu une population considérable qui est passée par les groupes de parole, mais il y a eu quand même assez de gens pour arriver à trouver comment faire face à un enjeu, comment le communiquer au sein des associations pour qu'on s'en fasse les porte-parole publics, qu'on le dise dans la presse, qu'on le dise aux politiques, tout ça, et comment finalement relayer. Juste oui. Une petite remarque, enfin, je parle en mon nom, je ne veux pas être dans la sociologie ici, mais je crois que l'effet de cette politique de l'intime, ça, à mon avis, ça a plus un effet sur la reconnaissance de comportement, comme vous dites, plutôt que de décoder, proprement dit, qu'est-ce que cette parole de l'intime et qu'est-ce qu'elle amène comme problème, autrement dit, mais alors qu'ils soient des problèmes existentiel, vécu, important dans ce rapport à la société. Moi, je ne sais pas, des psys me disaient, maintenant, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire avec les concepts de la psychanalyse, les gens vous amènent que leur rapport avec la société, le chômage, le malaise, dans les couples, dans le travail, etc. Voilà ce qui est dit. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est-à-dire, autant je suis d'accord avec vous, ça permet, par le biais de l'intime, à reconnaître des comportements qui sont hors normes, et que peu à peu on les légitime, on les reconnaît. Mais l'intime lui-même, c'est ça que je veux savoir. Comment arriver à le. Vous savez, le sociologue travaille plus sur des réalités que sur le réel. C'est-à-dire que, comment arriver à le cerner ? Comment il se diffuse dans l'espace public ? Ouais, je sais pas, enfin, c'est un peu fou pour moi, mais je sais pas. Non, là je parle d'une expérience limitée qui était donc que. Mais je pense que tout procède par expérience limitée. Que, je sais pas. J'entendais il y a 2 jours, 3 jours, des gens qui ont couché dans la rue, avec ceux qui couchent dans la rue. Et effectivement, on n'écoute pas les questions des gens qui couchent dans la rue. Et là, il y a des gens, il y a 10, 15, 20 personnes qui ont été couchées place de la République avec les gens qui couchent dans les stations de téléphone et tout ça. Et ils ont fait entendre. Et c'est vrai, même, je veux dire, ça fait quand même quelques années que le DAL et d'autres fait entendre la parole de gens. Et c'est vrai que ça fait entrer quelque chose dans l'espace public. Je veux dire que ça change peut-être pas la vie ni d'eux, ni de la. Mais progressivement, je pense que les changements sont lents, pas irréversibles, ça. Mais je pense qu'il y a quand même des choses nouvelles. Je sais pas, ben, j'ai eu à réfléchir dans ce bouquin, parce que c'est des interviews, hein, et mes camarades voulaient un petit peu que je raconte un peu les transformations que moi j'avais rencontrées dans l'histoire des comportements sexuels, et ils m'interrogeaient sur la première organisation qui a existé en France pour les homosexuels, qui était Arcadie. Et alors ils me disent, c'était Philippe Artière qui est historien et Éric Favreau qui est journaliste à Libération, ils me disent, bon, Arcadie c'était pas politique. Je réfléchis, la première réaction j'aurais dit non, mais c'était vraiment ce qu'on disait en 70, soit non c'était pas politique, puis j'ai dit réflexion faite, si, c'était politique. À une époque où l'homosexualité faisait partie de la vie privée. À l'époque où l'homosexualité faisait partie de la vie privée, Arcadie était une organisation qui mettait en contact les gens avec des autorités de police, des autorités politiques, des députés. Quand on avait une affaire, en général c'est les affaires de Pissotière, quand on avait une affaire, on allait voir Arcadie qui nous réglait les problèmes. Bon, maintenant, avec le sida, c'est vrai que cette intimité est entrée dans l'espace public. Donc la question a changé. Mais Arcadie était un mouvement politique si on comprend qu'à ce moment-là, ça faisait partie de la vie privée. Ça ne fait plus partie de la vie privée. Et c'est ça, le changement. Et donc voilà un peu ce que j'ai essayé de restituer dans ces interviews. C'est ce passage par la violence d'une épidémie, de quelque chose qui est sorti de l'intimité pour entrer dans la sphère publique, parce que les politiques ont eu à le traiter, les syndicats ont eu à le traiter, les entreprises ont eu à le traiter, les familles ont eu à le traiter. On a tous été confrontés. C'est comme ça que ça entre dans la sphère publique. Oui. J'aimerais vous entendre un peu plus sur la politique du médicament et sur le rapport entre les groupes de parole et, disons, l'industrie pharmaceutique. Est-ce que ce n'est pas un des milieux les plus réfractaires à cette parole, à cette intimité? Alors, c'est vrai que pour les groupes pharmaceutiques, ce n'est pas trop l'intimité que le prix des médicaments. Et les phases et les modalités d'essai. Alors, il y avait autrefois des organismes qui recrutaient les malades pour entrer dans les essais thérapeutiques. Et donc ils sélectionnaient, ils interrogeaient les gens. Vous savez par exemple que pendant très longtemps, les femmes ne pouvaient pas entrer dans les essais thérapeutiques à cause des risques de grossesse. Donc on ne savait pas forcément comment si la femme réagissait comme un homme à certains médicaments. Il y a tout un ensemble de choses qui sont vraiment constituées ces dernières années. Les premières définitions du sida, ça portait que sur les hommes. On ne connaissait pas les pathologies. C'est en 87 qu'on a commencé à comprendre. Alors, effectivement, c'est moins l'intimité que la physiologie et l'entrée dans les essais. Les toxicomanes n'entraient pas dans les essais parce que on pensait qu'il y avait contradiction entre la prise de drogue et l'essai. Or, justement, on ne pouvait pas savoir les contre-effets et il a fallu changer. Bon, les gens en prison, on ne pouvait pas non plus les faire entrer dans les essais thérapeutiques parce que c'était les utiliser comme cobayes. Mais à partir du moment où il n'y avait pas d'autres traitements que expérimentaux, il a fallu, et ça c'est très, très tardivement, faire entrer les gens en prison dans les essais parce qu'autrement ils n'étaient pas soignés. Donc vous voyez, comme ça, plein de confrontations qui sont moins d'intimité que des cadres juridiques et autres. Alors, les essais thérapeutiques ont été mis en question dans les laboratoires sur plusieurs phases. Premièrement, on vous donnait un placebo contre un médicament. Donc refus absolument, à partir du moment où il y a un médicament dont on a vérifié l'efficacité, refus absolument de le mettre contre un placebo, donc de donner toujours un médicament contre un autre. Les phases d'essai, je vous dis, c'était 10 ans à peu près un essai. Maintenant, on arrive à 5 ans. Et puis alors, la question des coûts. Alors, l'établissement des coûts des médicaments est extrêmement difficile à contrôler parce que ça finance la recherche, mais ça finance aussi. Les laboratoires ne sont pas gérés par les scientifiques. Il y avait une émission il y a deux ou trois jours à la télévision. Ils disaient, bon, ben, c'est les économistes et les publicitaires qui dirigent les laboratoires, ce n'est pas les scientifiques. Donc les scientifiques qui cherchent un produit, mais les laboratoires cherchent un profit. Donc ce n'est pas la même chose. Et les groupes de parole, c'est sur la durée des essais et sur la nature des contrôles. Parce qu'il y a au début de l'épidémie, par exemple, il y avait ce qu'on appelle des vérifications très invasives. Il y avait, par exemple, des ponctions lombaires. Au début, par exemple, les premiers symptômes qui étaient la pneumocystose, on faisait des lavages alvéolaires extrêmement pénibles, sans beaucoup de ménagement. Donc, on a appris à vraiment contrôler le caractère invasif des essais thérapeutiques, la longueur des essais, et puis discuter le coût des médicaments. Hein. Donc, l'intimité, c'est l'intimité économique et l'intimité corporelle du malade. C'est pas sa psychologie. Mais c'est toutes ces dimensions-là qui étaient à prendre en compte, qui n'étaient pas foncièrement, parce que c'est quand même les États et la sécurité sociale qui discutaient les prix des médicaments. Or, il se trouve que le sida coïncida avec le néolibéralisme et avec la concentration des laboratoires. Il y a à peu près 12 laboratoires mondiaux aujourd'hui qui produisent vraiment des médicaments efficaces. Et les médicaments sur le sida ne sont pas les plus vendus. Hein. Il y a des médicaments qui sont vendus en milliards. Là, on est dans les millions. Donc, c'est plutôt la publicité que fait l'efficacité d'un médicament sur le sida, plus que le profit du médicament sur le sida qui compte pour les laboratoires. Mais, vous savez, les stratégies de laboratoire, c'est extrêmement violent. On a eu à discuter avec un grand laboratoire qui nous donnait très peu de médicaments pour que les gens se battent pour l'avoir, pour sa publicité. Et, je me rappelle avoir entendu au début, tout à l'heure j'ai évoqué l'arrivée d'Internet en Afrique, au tout début de l'AZT, j'avais une discussion avec le laboratoire qui était le promoteur, il disait, vous comprenez, on ne peut pas introduire ce médicament en Afrique, les gens n'ont pas le sens du temps. Et comment pourront-ils prendre des médicaments périodiquement toutes les 3 heures, ils n'ont pas de montre, ils n'ont pas le sens du temps. Peut-être qu'ils ont eu Internet, ils ont demandé les médicaments. Mais c'était quand même ce que disait le laboratoire pour justifier que les médicaments ne sortiraient pas des pays à fort revenu. Donc ça a été ça, les débats. Mais alors, il y a aujourd'hui un groupe en France qui s'appelle TRT5, qui regroupe 5 associations, qui est partenaire de laboratoire. Il n'y a pas de médicaments mis sur le marché sans une discussion avec TRT5 sur l'acceptabilité du médicament par le malade. Puisqu'on est dans le séminaire politique de Foucault, je voudrais vous poser une question sur le rapport entre la théorie et la pratique. C'est une question de curiosité personnelle. Au fond, Foucault semblait aimer à croire que ces concepts et ces études devaient avoir un rôle d'outil dans les luttes politiques à mener. Et je voudrais savoir dans quelle mesure, dans l'action que vous avez menée sur la question du sida, les notions de biopolitique, de normalisation, de contre-conduite, etc., ont pu vous servir à l'intelligence stratégique des situations. Alors, c'est vrai que j'étais sensible à la question du pouvoir médical et que, justement, créer un contre-pouvoir était très important. Donc, j'ai toujours défini la fonction de aide comme contre-pouvoir. Hein, c'est-à-dire que on n'était pas dans la pure revendication. Parce que précisément, puisque c'est la parole des malades, il fallait que je tenais à ce qu'on expérimente des choses. Par exemple, au fond, on a fait tout un ensemble de choses. On avait mis au point un service d'ailleurs rémunérés par des services sociaux, d'aide à domicile des malades. À partir du moment où les malades ont une espérance de vie qui s'est accrue, tout ça, on a expérimenté des tas de services. Donc on était vraiment dans le contre-pouvoir et dans l'expérimentation pour que l'État généralise des expériences qu'on menait. Mais par exemple, je sais que j'ai jamais voulu qu'on fasse des actes médicaux. Et actuellement, l'association en fait. Et j'étais très perturbé à l'époque. Je sais que j'en discutais avec François Ewald, qui était l'assistant de Foucault, qui m'a dit quand même, il ne faut pas que vous deveniez un dispensaire, parce que c'était vraiment entrer dans le pouvoir médical nous-mêmes. Et là, actuellement, mes successeurs, ils font du dépistage minute. C'est-à-dire qu'ils vont dans les saunas, dans les lieux de prostitution, dans la rue, et ils proposent à des gens de faire une prise de sang. Maintenant, on peut savoir en 5 minutes si on est porteur du virus. Ce qui est quand même une chose très importante, parce que si, alors, simplement, il ne faut pas simplement prendre une goutte de sang et vous dire, ah ben, mon petit gars, ça y est, t'es plombé. Non, il faut ensuite accompagner la personne dans un service de soins. Parce que si on entre en traitement tout de suite, on pense aujourd'hui qu'on peut arrêter la progression de la maladie et on peut arrêter sa transmission. C'est-à-dire qu'une personne traitée ne transmet plus. Mais il faut effectivement surveiller qu'elle est efficacement traitée, qu'il n'y a pas une nouvelle infection qui a pu faire baisser son taux de lymphocytes. Il faut une surveillance médicale, mais on peut techniquement arrêter la transmission. Donc vous voyez, on a quand même des outils techniques aujourd'hui qui ont changé considérablement la donne. Donc mes copains au sein de l'aide aujourd'hui font des actes médicaux que les infirmières vont faire maintenant, tout ça, ça a été expérimental avec les associations, mais ça va être généralisé. J'ai résisté à faire ça. J'étais tout à fait dans une espèce de volonté de contre-pouvoir, et de prise de parole des malades, de faire entendre la parole des malades, une expertise des malades, justement. On a voulu que ce que notre expérience était, ce soit entendu comme une expertise. On a créé notamment des groupes, des réseaux ville-hôpital, parce qu'il faut que les médecins... c'est une pathologie multiple. On peut avoir des atteintes neurologiques, des atteintes pulmonaires, des atteintes cardiaques, tout ça. Donc, c'est pas une... Les spécialistes sont en général... De plusieurs disciplines, et ils souhaitent qu'il y ait un médecin de ville qui vous suive régulièrement, et le médecin de ville qui suit beaucoup de séropositifs, progressivement il devient aussi un spécialiste. On avait créé des réseaux ville-hôpital et on a véritablement là inventé quelque chose autour d'une pathologie qui n'existait pas auparavant. Alors actuellement c'est en train de se résorber, mais ça se fait pour l'autre pathologie aussi. Si vous voulez, c'était essentiellement réfléchir en termes de contre-pouvoir beaucoup plus qu'en termes de biopouvoir. Mais je vous dis que je ne peux pas... Vous savez, j'étais foucaldien sans doute, mais dans la pratique, on est pris par... ce qui paraît efficace, tout le monde ne raisonnait pas de la même façon, il y avait des débats violents. Par exemple, un des choix que nous avons fait en France, enfin au sein de l'AIDE, c'était d'être une association de santé public plutôt qu'une association homosexuelle, alors que les Anglais et les Américains avaient fait une association homosexuelle. Nous avions pensé qu'on mobiliserait plus facilement, étant donné la forte stigmatisation qu'il y avait encore dans les années 80, qu'on mobiliserait plus facilement avec une étiquette de santé publique, ce qui nous a permis d'ailleurs de pénétrer plus facilement en Afrique et en Europe de l'Est. Et même encore aujourd'hui, mes camarades au sein de l'AIDE disent oui, puis en plus, on a quand même travaillé beaucoup en unité toxicomane avec les femmes africaines. Par exemple, un exemple, vous évoquiez ces problèmes d'intimité. Un certain nombre de traitements contre le sida déplacent les graisses. Par exemple, on a les joues qui peuvent se creuser, les fesses qui fondent, tout ça. Et pour les femmes africaines, la taille fait partie de la beauté. Et finalement, c'est notre groupe de parole de femmes qui nous a fait découvrir que les femmes, au bout d'un moment, elles abandonnaient leur traitement parce qu'on découvrait qu'elles étaient malades parce que leur morphologie changeait. Mais ça, c'est une chose qu'elles n'auraient jamais osé dire aux médecins. Et donc, c'est nous qui avons été les interprètes, a été voir les hôpitaux et leur dit, bon, il va falloir que vous révisiez les posologies ou tout ça, ou vous trouviez une alternative, les femmes n'osent pas vous en parler. Là, ben voilà, on ne comprenait pas pourquoi les femmes africaines arrêtaient leur traitement. Ben oui, c'est vrai qu'il fallait du relais. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. À la fois le livre et à la fois dans le début de ton intervention, tu as fait le lien entre le GIP et AIDS avec justement cette question du stigmate, à la fois comme un des stimuli de mobilisation, à la fois sans doute comme un des leviers d'action. Oui. Là, une question stratégique, se dire le stigmate qui touche les homosexuels spécifiquement va faire qu'on va jouer sur une autre carte pour peut-être mobiliser, alors tu disais un petit peu façon Mao en allant un petit peu de tous les côtés pour avoir une position un petit peu centriste, enfin c'est un petit peu ce que tu dis. Je me dis, cette question stigmate, comment par rapport à prison ou par rapport à SIDA, les parallèles, les différences et la façon dont finalement, avec le recul, tu te dis il y a des trucs qui ont marché, des trucs qui ont moins marché, les choix qu'on a faits qui se sont révélés peut-être regrettables ou opportuns, je ne sais pas si tu as des... Alors, l'histoire, au début du GIP, on était des militants, on n'était pas des détenus de droit commun. C'était plus facile. Et puis, il y avait donc le nom de Foucault, de Villal-Naquet et Domnac. Le problème était la véracité. Le problème était non seulement le stigmate, mais la véracité de ce que l'on affirmait. Parce qu'il y avait une grande suspicion, une des formes du stigmate, c'est de ne pas croire les gens. Et que ce soit les juges ou les avocats, ils nous disaient « ils vous mentent ». Et je me rappelle une réunion qu'on avait faite à la Ligue des droits de l'homme où il y avait De Félis, Joinet et tout ça, De Félis, son grand avocat, Joinet, fondateur du Seigneur, ces gens-là. Et ils écoutaient les familles de détenus et ils disaient, mais bon sang, si les juges les entendaient, ils seraient quand même surpris de leur bon sens. Et dans le film là dont je te parlais, de Drodz, on voit c'est les gens qui ont fait la révolte de la prison de Nancy, qui ont maintenant 50, 60 ans, qui sont de bons pères de famille, qui doivent être chauffeurs de poids lourds et tout ça, donc costaud, ils répondent pas du tout à l'image du voyou, quoi. Et les gens, bon, le film était étonnant pour ça, quand on les voit, après avoir vu sur les toits, et qu'on les voit en vieux messieurs. Et alors, on avait à donc changer l'image des gens. Alors nous, au départ, c'était nous qui prenions la parole. Mais très rapidement, les gens qui avaient fait de la prison sont venus avec nous. Et je me rappelle la première fois, je le raconte dans le bouquin, parce que ça m'avait beaucoup bouleversé, j'étais à Saint-Nazaire et j'avais fait des panneaux. Pour défendre des militants politiques qui étaient en jugement. Et puis, des gens viennent regarder les panneaux, on parlait des prisons et tout ça, et le long de chaque côté des panneaux, il y avait deux personnes qui avaient été dans la prison de Saint-Nazaire ou de Nantes, je sais plus, et qui commencent à parler de leur expérience de prison de droit commun. Et, à ma grande stupéfaction, les gens les écoutent, les gens leur posent plein de questions, et ce qui était perçu par tout le monde comme un stigmate, finalement les gens voulaient savoir, partageaient et tout ça, et on voyait que finalement il fallait surtout pas avoir peur du stigmate. Ben là c'était un peu pareil, quoi. Il fallait absolument dépasser cette stigmatisation. Alors là par contre la chose était différente. Le GIP, on n'était pas des détenus et on prenait la parole, mais petit à petit c'est devenu une organisation de détenus, notamment avec Serge Livrozet qui a créé le comité d'action des prisonniers, et les anciens détenus ont pris la parole. Et là on était pour une grande partie des homosexuels, à l'époque où le stigma était quand même assez fort. Moi, j'avoue que les premières fois que j'ai eu à passer à la télévision, j'étais quand même un peu mal à l'aise. C'était pas si facile que ça à porter. Et au début, dans l'association, il y a eu des tas de débats, justement. Puis quand on a commencé à avoir un peu une reconnaissance, là, les gens se sont précipités. Mais au début, c'était pas si facile. Au début, et... c'est vrai qu'on a eu à À la fois, c'était plus facile qu'on ne l'imaginait, parce que ces problèmes, comme je vous disais à propos des droits communs, j'avais été surpris de la façon... Et là, j'étais quand même très très surpris dans l'histoire du sida, c'est les familles. On a eu des tas, et j'évoquais tout à l'heure, des tas de familles qui ont rejeté. Mais il y a eu des tas de familles qui se sont mobilisées. Et il y avait la mère d'un garçon qui est mort à 20 ans par là, et cette femme allait faire de la prévention dans les lycées. Et un jour, les lycéens lui ont dit, mais madame, on ne comprend pas, vous, votre fils est mort du sida, et comment vous venez nous parler dans les lycées? Elle a dit, écoutez, d'habitude, quand les gens sont près de la mort, ils se replient sur eux, ils se ferment aux autres, et là, j'ai vu mon fils militer jusqu'au bout. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Alors je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et c'était très impressionnant quand les gens entendaient ça. Et j'ai vu une famille, le fils qui est une des familles les plus riches de France, et le fils qui était en rupture complète avec sa famille, qui vivait en banlieue avec un jeune ouvrier et tout ça, et sa famille qui s'est engagée, qui militait autant avec nous qu'avec ACT UP et qui nous a financé beaucoup. Je me dis, mais il ne s'est pas rendu compte, il n'a pas su. La mutation s'est faite au sein de cette famille, sans doute autour de la maladie, mais il y a eu des choses que les gens ont encaissées d'une manière plus rapide qu'on ne l'avait anticipé. Je crois que là aussi, les politiques s'imaginent beaucoup les stigmates très forts, et quand on est confronté à la réalité de ces choses, on s'aperçoit que la société avance quand même beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Les groupes de parole incluaient aussi les familles, par exemple ? Il y a eu quelques groupes de familles, mais c'était indépendant. Il y avait des frères et sœurs. Il y avait des parents aussi d'enfants séropositifs. Mais c'était quand même surtout des groupes de séropositifs, mais on a eu quelques groupes de familles. Mais le principe du groupe, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. Donc je connais peu, moi j'ai jamais participé au groupe, participé à la mise en place, mais pas au contenu. J'ai une question sur les racines de l'engagement, vous dites militant dans AIDE, qui est un langage politique, donc vous avez donné un codage, des raisons de s'engager, l'aide sociale, les coûts, l'expérimentation, les philosophes, et c'est dans les gens qui s'engagent quels sont leurs motifs fondamentaux. Bon, il y a la souffrance, il y a une dimension révolte que je sens, mais je ne sais pas si une révolte contre la société ou contre la maladie, les deux raisons sont mêlées. Mais vous, avec le recul de l'expérience, avec ce discours de militance, quelles sont les raisons fondamentales? Il y a un couple souffrance-révolte qui, moi, m'interroge, quoi, qui n'est pas évident dans un langage sociologique. Alors, il y a des histoires très très différentes. Il y a des histoires très différentes au sein de l'association. Moi, justement, mes camarades m'ont demandé de raconter un peu l'histoire de mes engagements, parce qu'effectivement, ça n'a pas commencé avec AIDE, ça a commencé pendant la guerre d'Algérie. Parce que moi, je suis venu à Nanterre quand il y avait le bidonville, et donc c'était pendant la guerre d'Algérie. Donc c'était un peu ça, l'histoire que j'évoquais un peu, mais la plupart sont venus au tout début de AIDE. C'est assez bouleversant parce que la plupart des gens qui sont venus sont morts du sida. Et ils ne savaient pas. La plupart sont venus parce qu'ils étaient homosexuels et qu'ils se sentaient stigmatisés. Certains avaient milité dans les mouvements de libération homosexuelle, pas moi. Parce que, avec Foucault, la notion de libération ne nous convenait pas, une toute autre conception, si vous avez eu la volonté de savoir, toute autre conception de la lutte homosexuelle. Donc, on n'a pas fait partie de ces mouvements-là. Et c'était un engagement nouveau. Moi, j'ai été à la gauche prolétarienne, et c'était plutôt ça mon modèle, ce que évoquait Philippe tout à l'heure, parce que je dis à un moment que j'avais retenu du maoïsme qu'il faut marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire dans le milieu médical et dans le milieu gay. J'avais dit des adaptations très simples, comme le président avait fait des textes très simples pour les paysans. Donc, il faut marcher sur ses... Il faut marcher marcher sur ses deux jambes, et puis aussi l'œil du paysan voit juste. Pour moi, le paysan, c'était le malade, donc il n'y avait pas de décision prise sans un focus de malade. Bon, voilà, c'était aussi simple que ça. Et par contre, beaucoup de gens sont venus sur la base de leur engagement dans des mouvements de libération ou parce qu'ils étaient homosexuels et qui se sentaient une solidarité. Nous étions convaincus, on ne connaissait pas de malades. Moi, je veux dire, j'ai créé l'association avec deux malades au début, et les autres ont découvert qu'ils étaient malades au fil des années. Mais personne, d'abord, le test n'existait pas. Moi, j'ai fait le test en 84, mais c'était un test expérimental. J'ai attendu 2 mois le résultat. Il y avait une inquiétude qui commençait, et je veux dire, c'est quand on a créé la permanence téléphonique, parce qu'en France, il n'y avait pas d'inquiétude, je vais vous dire, officiellement. On était le pays qui avait découvert le virus. Ça avait été très contesté. Hein. Mais on était le pays, on avait une espèce de confiance, on était en avance. Et puis, quand on fait la permanence téléphonique, on entend des appels incroyables. Un homme dit, j'ai noté les 100 premiers appels. J'écris très vite, c'est très mal, mais j'ai tous les 100 premiers appels, je les ai, vous savez, tout ça dans, aux archives à Perfit. Un homme dit, j'ai des taches partout. Bon, j'ai des gants, j'ai une capuche, mais je ne peux plus, on ne peut plus me montrer. Trouvez-moi un médecin. Ils ne savaient pas, les gens n'osaient pas aller voir leur médecin traitant parce que c'était une maladie tellement stigmatisante, ils ne savaient pas où aller. Un autre, deuxième appel, un type dit, je suis père de famille, je vais me suicider. Est-ce que à ma mort, on peut trouver, par un médecin légiste peut trouver, je me faisais pénétrer. Fou les angoisses que les gens disaient. C'était une femme, en fait, là, il se trouve qu'on on enregistrait certains appels pour former les volontaires. Et un des appels, on aurait fait une tragédie. Une femme dont le fils était mort du sida et elle avait la certitude que son amant avait fait un tombeau pour eux deux. Et elle voulait retirer le corps de son fils de cette tombe. Elle nous demandait à l'aider juridiquement, en disant « je le ferai incinérer ». Et elle ajoute « c'est quand même dur de faire incinérer son fils quand sa famille est morte à Auschwitz ». Ah non, mais c'était, pour moi, c'était Antigone, hein, c'est Empire. on a entendu des choses incroyables. Et à ce moment-là, ça c'est en février 85, on a découvert dans la société française une inquiétude, une angoisse, une absence de réponse. Et là, on a commencé, les journalistes ont voulu venir à la permanence téléphonique, comme c'était anonyme, on a laissé. Et les journalistes ont commencé à entendre l'inquiétude qu'il y avait en France sur l'épidémie. Cette inquiétude n'avait pas d'écho. On était le pays qui avait découvert le virus. On était censé être en avance. Et quand on a créé AIDE, on était une dizaine, on croyait qu'on était en avance sur l'épidémie. Et je veux dire, on est 3 survivants de ces 10-là. Dont un est malade et l'autre était médecin et le troisième, ben, j'ai échappé par hasard et après par principe. Bon, mais c'est ça. Alors les gens sont venus toutes sortes, il y avait des prêtres, il y avait comment? Être malade, alors je sais que c'est une maladie au long cours et qu'il fallait perdre... Au début, c'est pas les malades ne venaient pas au début, hein, ils étaient à l'hôpital. Pour qu'un malade se dise militant, il y a une série d'opérations mentales qui sont pas évidentes. Alors, au début, je vous dis, c'est les homosexuels, il n'y avait pas de test. Alors, ACT UP s'est créé après le test. Donc, ACT UP s'est créé comme une association de séropositifs, plutôt. Alors que nous disions association de malades, mais il y avait très peu de malades dans les rangs, parce que les malheureux, ils étaient en train de mourir à l'hôpital. Il n'y avait pas de traitement. Donc, les séropositifs, ils ne se percevaient pas malades, et très peu de gens se faisaient dépister. On n'incitait pas au dépistage, puisqu'il n'y avait pas de traitement. À quoi bon savoir qu'on est touché? Alors, peut-être pour se prémunir, pour ne pas transmettre, d'accord? Mais on disait aux gens, mettez des préservatifs, c'est la seule recommandation qu'on peut faire. À quoi bon savoir quelque chose auquel on ne peut rien faire? Donc, au début, on était quand même très, très démunis. C'est vrai que la motivation était plutôt droit de l'homme, homosexualité, solidarité par des gens qu'on connaissait, ou scandale de la, à la scandale social quand on voyait comment les malades étaient traités. Quand même, moi, je vois une femme nous téléphoner. Elle allait accoucher dans un grand hôpital de Paris. Elle nous disait, on ne vide pas mes poubelles. Je ne sais même pas si on va m'emmener à la salle d'accouchement ou si on va me faire accoucher dans ma chambre. On était obligé d'appeler l'hôpital le lendemain matin en disant, écoutez, c'est la permanence du soir. Voilà ce qu'on apprend dans votre hôpital. On a du mal à imaginer. Je ne sais pas si vous vous rappelez les images de cosmonautes, les brancardiers qui arrivaient avec des malades habillés comme en cosmonautes, comme s'ils allaient attraper le virus. Ebola. Oui. Ben oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le médicament qui a vraiment inscrit le sida dans la médecine? C'est-à-dire que, parce qu'avant on traitait des comportements, les gens parlaient de... Mais là, tout d'un coup, maintenant, c'est une affaire de médecin. Est-ce qu'on peut dire ça? Dès le départ, l'efficacité des traitements. Dès le départ, c'est une maladie. Dès le départ, même si on a... on avait un minimum de traitement, c'est-à-dire on avait le Bactrim, un antibiotique, parce que, si vous voulez, c'est une destruction des cellules immunitaires. Donc, destruction des cellules immunitaires, vous avez tout un ensemble de symptômes qui apparaissent. Les antibiotiques sont efficaces. Foucault est soigné en fin décembre 83, avec du Bactrim. Un mois après, il est sur pied, il assure ses cours au Collège de France et il finit ses bouquins. Et lui-même pense qu'il n'est pas malade. Puisque donc on pouvait soigner les gens avec du Bactrim. Mais on ne les soignait pas du sida, on les soignait des effets du sida. Hein. Et le traitement n'arrive que à partir de... Bon, un peu l'AZT, mais surtout à partir des trithérapies, c'est-à-dire 93-96. Donc, mais les gens à ce moment-là, quand ils sont malades, on a quand même 2500 ans de médecine devant nous, donc les gens, ils vont se faire soigner. Hein, ça entre déjà dans le monde médical. Par contre, il y a une reprise du pouvoir médical avec les traitements. Ça, c'est le pouvoir médical. Mais la maladie était déjà inscrite dans le champ médical. Il y a une reprise de la maladie à cause de l'inscription de la maladie dans le champ de la médecine et la chronicisation de la maladie. Ça peut y aller. Statistiquement, la maladie reprend aujourd'hui, précisément parce qu'elle est chronicisée et qu'elle est traitable. C'est ça. On ne meurt plus, mais il y a quand même 150 000 personnes qui vivent en France avec le virus, plus 35 millions, 40 millions dans le monde. Donc, effectivement, le risque ne diminue pas. Même si on est bien traité, on ne transmet pas, mais on peut avoir une infection ailleurs qui fasse que on peut avoir une baisse immunitaire. Est-ce que le sida reste encore différent dans le fait de le nommer que les cancers, par exemple? Est-ce que les gens... Ben, c'est pas du tout la même... Non, mais est-ce que les gens vivent différemment en sida ou... Est-ce qu'on le dit? Alors, aux États-Unis, c'est devenu obligatoire de déclarer qu'on est atteint à ses partenaires sexuels. Et moi, j'étais très frappé, j'étais à New York l'année dernière, que les gens déclarent tout de suite qu'ils sont séropositifs, mais je ne savais pas que c'était obligatoire par la loi. Parce que s'il y a une transmission et que quelqu'un ne l'a pas déclaré, c'est pénalisable. Alors en France, cette pénalisation n'existe pas, je ne crois pas qu'elle existe. Par contre, on commence à le dire, me disent mes camarades, j'en suis pas tout à fait certain, mes camarades me disent que si on commence à le dire, ils font des groupes de parole sur la discibilité, ils ont trouvé une jolie expression, c'est la disance, donc il y a des groupes de disance, parce que la disance, c'est le contraire de la médisance. Et alors, il y a des groupes de disance au sein de AIDE, et je sais pas si les autres associations le font, mais enfin, et j'ai constaté récemment en l'évoquant, que beaucoup de gens disent, ah ben oui, c'est la disance, donc le mot commence à circuler. C'est les gens de AIDE qui ont inventé ça, les gens du groupe de parole, donc ils travaillent sur la disance. Mais c'est vrai, à partir du moment où ce n'est plus transmissible, si on est traité, ce semble plus facile à dire. Mais c'est quand même encore assez tabou en France. Oui. Oui, je voudrais savoir quel a été selon vous en fait, le rôle des médias dans le dévoilement de cet intime lié au sida dans la sphère publique en fait. Et d'une manière générale, quels ont été les rapports en fait, entre AIDS et les médias et plus précisément la presse. Alors, les rapports ont été plutôt bons parce que les médias étaient très demandeurs. Mais ils étaient très demandeurs de scandales. Et il fallait absolument s'en méfier et contrôler. Ils étaient plutôt... Et au début, c'est vrai qu'il y avait un des premiers malades qui s'est beaucoup répandu dans les médias et qui était extrêmement nocif, à mon avis. Mais les médias l'aimaient beaucoup. Il disait vrai, hélas, mais ce n'était pas forcément utile. Il parlait du nombre de partenaires. Et c'est vrai que la sexualité, il faut bien comprendre une chose, c'est que la sexualité homosexuelle, la sexualité hétérosexuelle aussi, est organisée un peu comme ça, mais moins. J'ai eu des réunions avec la police, justement, ils disaient, non, rassurez-vous, c'est encore pire dans les lieux de rencontre. Et, bon. Mais il y avait une organisation commerciale de la rencontre sexuelle. Et donc, le risque de transmission était quand même organisé par tous les lieux de pratiques sexuelles possibles. Et tout ça, c'était quand même un peu... Alors, aux États-Unis, ils avaient fermé tous ces lieux. Comme ces différents États, moi je me rappelle, j'étais à San Francisco, tous les saunas étaient fermés, mais à Berkeley, c'était ouvert. Donc les gens, elles faisaient 20 km de plus, ça ne changeait pas la pratique. Ça alertait un peu, mais ça ne changeait pas forcément la pratique. En France, on avait décidé de ne pas interdire, de ne pas peser, en pensant en plutôt faire des lieux de rencontre, des lieux d'information. Bon. Mais c'est vrai, si vous voulez, qu'il y avait une organisation de la facilité de rencontre et il y avait une sorte de censure sur la facilité de vie. La vie en commun était stigmatisée, par contre la rencontre, la promiscuité était favorisée. Donc d'une certaine manière, l'ensemble des pratiques sociales favorisait la transmissibilité. Et les médias, au début, interviewaient beaucoup un garçon, j'arrive pas à me rappeler le nom, outre que je l'aimais pas, preuve de mémoire, je sais plus, mais lui racontait très facilement qu'il avait 1000 partenaires par an, ce qui n'est pas du tout invraisemblable. Mais ça n'arrangeait pas nos affaires. Et c'est vrai que lorsqu'on a pu trouver des gens qui pouvaient mettre un peu plus de douleur et de pathos, c'était plutôt recommandé. Mais les médias l'adoraient parce que il était absolument prolixe en parole et en débat. Alors, au début, les médias, il fallait s'en méfier. Et il fallait leur imposer un peu un nouveau discours. Et ce nouveau discours, on l'a imposé d'une manière assez étonnante. Il se trouve que... Bon, je suis un peu gauchiste et je ne suis pas allé voir le ministère d'abord. Je voulais que l'association existe et qu'on ait un peu de pouvoir vis-à-vis du pouvoir. Et il se trouve qu'au début, on n'avait pas tellement de malades qui faisaient appel à nous, parce que je vous dis, les malades, ils étaient à l'hôpital. Et on avait beaucoup de gens qui voulaient s'engager. On a eu un millier de gens volontaires à la fin de la première année. Mais il n'y avait pas beaucoup de malades. Alors comment maintenir cet intérêt pour l'association? Alors on a décidé d'organiser des conférences. Alors première fois, on prend dans notre appartement, on fait une conférence, il y a foule, on loue une salle. Donc on fait venir Rosenbaum, qui était à ce moment-là le médecin le plus reconnu dans cette pathologie. Donc il y a foule, on se dit c'est cher de louer une salle à chaque mois. Donc finalement on va voir le ministère qui nous propose son amphithéâtre au ministère. Et nous acceptons, parce que bon, économiquement c'était la solution, bien sûr ça nous officialise. Ce qu'Altop nous a reproché après, nous devenait l'institution officielle. Mais bon, c'était commode. Et à partir du moment où on faisait nos conférences au ministère de la Santé, toute la presse venait, et la presse médicale. Et nous avons eu d'excellents rapports. Mensuellement, nous avons été les premiers à poser le problème de la transfusion sanguine, nous avons posé le problème de la toxicomanie, enfin, tous les problèmes de la transmission mère-enfant. Chaque mois, on avait une conférence et on faisait découvrir des médecins que la presse ne connaissait pas. Donc, on a eu de bons rapports avec la presse dès le départ. Et on a un peu donné à entendre un discours médical et de malade, et non pas un discours de scandale sur une maladie qui était aux États-Unis et dont on montrait des photos. Alors bien sûr, il y avait ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est une maladie qui a un peu changé le rapport de la presse à la maladie. Parce que c'était quand même une maladie qui a été très suivie par les médias. Et notamment, au fond, toute information sur le sida faisait la une du 20h. Et à partir du moment où c'est donné aux 20h, c'est énorme. Vous ne pouvez plus rattraper si c'est une erreur ou tout ça. C'est une inquiétude. Et nous qui avions une permanence téléphonique, on suivait vraiment au jour le jour les effets de la presse. Parce qu'on entendait l'inquiétude qui était diffusée par la presse. Et de plus en plus, les responsables de presse sont devenus des médecins. Alors vous aviez Fezakier à la radio, vous aviez deux médecins au Monde, vous aviez au Figaro trois médecins, à Libération c'était Gilles Pial, c'est-à-dire Gilles Pialou, qui a des meilleurs spécialistes du sida aujourd'hui en France. Mais bon, on a eu une presse de plus en plus médicale experte. Et ça a changé nettement parce que, justement, le 20h faisait la loi. Donc les journaux étaient obligés d'avoir des gens très compétents. Il y a eu pas mal de travaux de sociologues, de Claudine Erslich en particulier au début, sur la réaction de la presse dans les premières années. Oui. On avait dit de 10h à midi. Non, je sais pas, déjà midi et quart. Bon, merci à vous. Merci à vous pour vos questions. Merci beaucoup, Daniel. Bon, merci à vous de cet accueil. Écoute, c'est une bonne Saint-Valentin. Mais vous êtes partenaire. Vous êtes canadien. Donc vous connaissez bien les problèmes de santé communautaire, donc vous corrigez là-dessus.